vie, même avec un oignon sur le front, Emily rit encore, même si elle a déjà compris qu'on ne sait jamais combien de temps les gens qu'on aime vous tiennent la main. Emily rit, elle croque des bouts du soleil. Emily s'émerveille, qui serait assez fou pour la décevoir? On ne sait jamais combien de temps les gens qu'on aime vous tiennent la main. Emily m'a demandé comment ça va. Elle savait bien que ça n'allait pas, mais on s'est souri, car c'est comme ça qu'on fait dans ces cas-là. Elle aussi avait des raisons d'être en bas, mais ça ne se voyait pas. Elle a souri, car c'est comme ça qu'on fait dans ces cas-là. Emily rit, qui serait assez fou pour la faire pleurer. Emily rit encore, à chaque fois qu'il est minuit, elle crie bonne année. On ne sait jamais. Emily s'émerveille, il y a tant de monde qui l'aiment.